Zeno. Des coups de feu, à l'intérieur de la bibliothèque de Lakeport? Difficile d'employer la forme affirmative. C'est peut-être Sharif qui a laissé tomber une pile de livres, à moins qu'une des lambourdes de cette bâtisse centenaire n'ait fini par craquer, ou qu'un farceur n'ait eu l'idée d'allumer des pétards dans les sanitaires. Ou alors c'est Marianne qui a claqué la porte du four. Deux fois de suite. Mais non. Marianne est partie récupérer les pizzas chez Krusty. Je reviens dardard. Y avait-il d'autres usagers au rez-de-chaussée quand il est arrivé avec les enfants? Devant la table d'échecs, assis sur les fauteuils ou dans le coin informatique? Il ne s'en souvient pas. En tout cas, il n'y avait pas de voiture sur le parking, mis à part le Subaru de Marianne. Du moins, c'est ce qu'il croit. À la droite de Zeno, Christopher manœuvre parfaitement le projecteur de karaoké, braquant le rayon sur Rachel, la servante de l'auberge, pendant qu'Alex, dans le rôle d'Aeton, caché par l'ombre, prononce ses répliques de sa voix claire et enjouée. « Mais que m'arrive-t-il? Ce poil qui pousse sur mes jambes, ce ne sont pas des plumes. Et ma bouche, je n'y reconnais pas un bec. Et là, ce ne sont pas des ailes mais des sabots. Ah, je ne suis pas devenu une chouette splendide, mais un pauvre bougre d'âne. » Lorsque la scène tout entière se retrouve éclairée, Alex a coiffé sa tête d'âne en papier mâché. Rachel essaie de réprimer un fou rire en voyant le garçon tituber de ci, de là. Des ululements de chouette s'échappent de l'enceinte de Nathalie, et Olivia, le bandit, prépare son entrée en coulisses, avec sa cagoule de ski et son épée habillée de papier d'aluminium. Monter cette pièce avec ses enfants, c'est la plus belle expérience de toute la vie de Zeno. La meilleure chose qu'il ait jamais réalisée. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Les questions de tout à l'heure font leur chemin dans les canaux de son esprit, esquivant souplement les obstacles qu'il tâche de leur opposer. Non, ce ne sont pas des livres qui sont tombés, ni la porte du four qui a claqué. Il jette un coup d'œil derrière lui. Côté intérieur, la cloison qu'ils ont dressée à l'entrée de la section jeunesse n'a pas été peinte, simple panneau en contreplaqué cloué à des planches de bois. Et l'on voit ici ou là quelques mouchetures dorées scintiller dans la lumière. La petite porte ménagée au centre est toujours fermée. « Ciel !» s'exclame Rachel la servante sans cesser de rire. « J'ai dû confondre les peaux de la sorcière. N'aie pas d'inquiétude, Aeton, je connais tous les antidotes. Va m'attendre à l'écurie, je t'apporterai des roses fraîches. Dès que tu les auras mangées, le charme se dissipera. Et en l'espace d'un battement de queue, tu retrouveras ta forme humaine. » Un crissement nocturne d'ailes de criquet monte de l'enceinte de Nathalie. Un frisson court sur l'échine de Zeno. Quel cauchemar ! S'écrie Alex devenu âne. Je voudrais parler, mais je ne sais que braire. Est-ce que ma chance tournera un jour ? Dans la pénombre des coulisses, Christopher rejoint Olivia et enfile à son tour une cagoule de ski. Zeno se frotte les mains. Pourquoi a-t-il si froid tout à coup par cette soirée d'été ? Mais non, on est en février. Il porte une veste et deux paires de chaussettes en laine. C'est seulement la pièce qui se passe en été. L'été en Thessalie, au pays de la magie. Et les bandits s'apprêtent à dévaliser l'auberge et à charger Aeton devenu âne des sacoches renfermant leur butin, avant de l'entraîner hors de la ville. Il doit exister une explication anodine à ces deux détonations. Forcément. Il faudrait tout de même qu'ils descendent vérifier, histoire d'en avoir le cœur net. « Ah, j'ai eu bien tort de me mêler de sorcellerie !» se lamente Alex. « Pourvu que la servante se hâte de m'apporter ses roses !»